Bonjour, bon matin, c'est Radio Zine. Coucou, ça va, il est 11h du matin. Oui. Attention, jungle. Jungle. Oh, Wimbawe. Non. Mais non, j'avais dit qu'on faisait non, pas ça. Non, mais non, ah il non, est gentil. Pas le pauvre lion. Lion. Ouais, mais voilà. Il est gentil. Bonjour. Bon, je te laisse terminer. Non, non, c'est bon, j'ai pas Radiosine, est-ce une moto, est-ce une trottine? Est-ce un bateau, est-ce une combine? Oui, est-ce une combine. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui sur Radiosine, un programme exceptionnel. C'est que vrai. Que nous allons présenter au compte-gouttes. Oui. Donc, soyez bien attentives, oui. Vous qui écoutez cette émission de musique contemporaine, consacrée à un festival de musique contemporaine qui se passe contemporanément. Oui, dans un couloir contemporain. Voilà. Allez, prenez votre doigt. Ah ! C'est l'heure et du home aussi. Contemporain. Venez avec nous, vous qui êtes en face, le home contemporain. C'est dommage que vous n'aviez pas de micro parce que ça aurait et fait non, vraiment. Et non, ce n'était pas un écho qu'on appelle un delay. Dans la langue technologique, c'était Rémi et Jeanne. Oui, Rémi et Jeanne sont ici présentes parce que après, on va les entendre crier avec leur machine. Ça va être beau.